Souvenirs intimes de Caroline Commanville, nièce de Gustave Flaubert. Ces pages ne sont point une biographie de Gustave Flaubert. Ce sont de simples souvenirs, les miens et ceux que j'ai pu recueillir. La vie de mon oncle s'est passée tout entière dans l'intimité de la famille, entre sa mère et moi. La raconter, c'est le faire connaître, aimer et estimer davantage. Je crois ainsi accomplir un devoir pieux envers sa mémoire. Avant la naissance de Gustave Flaubert, mes grands-parents avaient eu 3 enfants. L'aîné, Achille, de 9 ans plus âgé, et 2 autres morts petits. Puis vinrent Gustave et un autre garçon qui mourut à 2 mois. Enfin, ma mère, Caroline, fut la dernière. Elle et son jeune frère s'aimaient d'une tendresse particulière. Séparés seulement par 3 années, les 2 petits ne se quittaient guère. À peine Gustave a-t-il appris quelque chose qu'il le répète à sa sœur. Il fait d'elle son élève. Un de ses grands plaisirs est de l'initier à ses premières compositions littéraires. Plus tard, quand il sera à Paris, c'est à elle qu'il écrit. C'est elle qui transmettra aux parents les nouvelles quotidiennes, car cette douce communauté de pensée ne se perd pas. Je dois la plupart des faits relatifs à l'enfance de mon oncle à ce que m'en a raconté la vieille bonne qui l'a élevée, morte 3 ans après lui en 1883. Aux familiarités permises avec l'enfant avait succédé chez elle un respect et un culte pour son maître. Elle était pleine de lui, se rappelant ses moindres actions, ses moindres paroles. Quand elle disait « Monsieur Gustave », elle croyait parler d'un être extraordinaire. Ceux qui l'ont connu apprécieront la part de vérité contenue dans l'admiration naïve de la vieille servante. Gustave Flaubert avait 4 ans lorsque Julie vint à Rouen en 1825 au service de mes grands-parents. Elle était au village de Fleury-sur-Andelle, situé dans cette jolie vallée toute souriante qui s'étend de Pont-Saint-Pierre au gros bourg de Lyons-la-Forêt. La côte des 2 amants en protège l'entrée. Ça et là des châteaux, l'un entouré d'eau avec son pont-levis, puis la superbe propriété de Radepont, les ruines d'une vieille abbaye et des bois tout autour sur les collines. Ce pays charmant est fertile en vieilles histoires d'amour et de revenants. Julie les connaissait toutes. C'était une habile conteuse que cette simple fille du peuple, douée d'un esprit naturel fin et très plaisant. Ses parents de père en fils étaient postillons, assez mauvais sujets et fort buveurs. Gustave, tout petit, s'asseyait près d'elle des journées entières. Pour l'amuser, Julie joignait à toutes les légendes apprises au foyer le souvenir de ses lectures, car retenue au lit pendant 1 an par un mal de genou, elle avait lu plus qu'une femme de sa classe. L'enfant était d'une nature tranquille, méditative, et d'une naïveté dont il conserva des traces toute sa vie. Ma grand-mère m'a raconté qu'il restait de longues heures, un doigt dans sa bouche, absorbé, l'air presque bête. À 6 ans, un vieux domestique qu'on appelait Pierre, s'amusant de ses innocences, lui disait, quand il l'importunait, « Va donc voir au fond du jardin ou à la cuisine si j'y suis. » Et l'enfant s'en allait interroger la cuisinière. « Pierre m'a dit de venir voir s'il était là. » Il ne comprenait pas qu'on voulût le tromper, et devant les rires restait rêveur, entrevoyant un mystère. Ma grand-mère avait appris à lire à son fils aîné. Elle voulut en faire autant pour le second, et se mit à l'œuvre. La petite Caroline, à côté de Gustave, apprit de suite. Lui ne pouvait y parvenir, et après s'être bien efforcé de comprendre ses signes qui ne lui disaient rien, il se mettait à pleurer de grosses larmes. Il était cependant avide de connaître et son cerveau travaillait. En face de l'Hôtel-Dieu, dans une modeste petite maison de la rue de Leca, vivaient 2 vieilles gens, le père et la mère Mignot. Ils avaient une tendresse extrême pour leur petit voisin, sans cesse le bambin sur un signe d'intelligence, ouvrant la grande et lourde porte de l'Hôtel-Dieu, traversait en courant la rue, et venait s'asseoir sur les genoux du père Millot. Ce n'étaient pas les friandises de la bonne femme qui le tentaient, mais les histoires du vieux. Il en savait des quantités plus jolies les unes que les autres, et avec quelle patience il les racontait. Désormais, Julie était remplacée. L'enfant n'était pas difficile, mais avait des préférences féroces. Celle qu'il aimait, il fallait lui redire bien des fois. Le père Mignot faisait aussi la lecture. Don Quichotte surtout passionnait mon oncle. Il ne s'en lassait jamais. Il a toute sa vie gardé pour Cervantes la même admiration. Dans les scènes suscitées par la difficulté d'apprendre à lire, le dernier argument, irréfutable selon lui, était « À quoi bon apprendre puisque papa Mignot lit ?» Mais l'âge d'entrée au collège arrivait. Il allait avoir 9 ans. Il fallait à toute force savoir. Le vieil ami ne pouvait le suivre. Gustave s'y mit résolument et en quelques mois rattrapa les enfants de son âge. Il entra en 8e. Il ne fut pas ce qu'on appelle un élève brillant, manquant sans cesse à l'observation de quelques règlements, ne se gênant pas pour juger ses professeurs, les pensums abondaient et les premiers prix lui échappaient, sauf en histoire, où il fut toujours le premier. En philosophie, il se distingua, mais il ne comprit jamais rien aux mathématiques. Plein d'exubérance et généreux, il avait de chaux amis qui l'amusaient extrêmement par son intarissable verve et sa bonne humeur. Ses mélancolies, car il en avait déjà, se passaient dans une région de son esprit accessible à lui seul et ne se mêlaient pas encore à sa vie extérieure. Il avait une grande mémoire, n'oubliant ni la bienveillance ni les vexations dont il avait pu être l'objet. Ainsi, il conservait pour son professeur d'histoire, Chéruel, une grande reconnaissance et haïssait certains pions qui, pendant l'étude, l'avaient empêché de lire un de ses livres favoris. Mais les années de collège furent misérables. Il ne put jamais s'y habituer, ayant horreur de la discipline, de tout ce qui sentait le militarisme. L'usage d'annoncer les changements d'exercice par le roulement du tambour l'irritait, et celui de faire mettre en rang les élèves pour passer d'une classe dans une autre l'exaspérait. La contrainte dans ses mouvements était un supplice, et la promenade en bande le jeudi n'était pas un plaisir, non qu'il fût faible, mais par une antipathie native pour tout ce qui lui semblait mouvement inutile, antipathie pour la marche qui dura toute sa vie. De tous les exercices du corps, seule la natation lui plaisait. Il était très bon nageur. Les jours ternes et pénibles du collège s'éclairaient par les sorties du jeudi et du dimanche. Retrouver la famille aimée, la petite sœur, était une joie sans pareille. Au dortoir, pendant la semaine, grâce à des bouts de bougies emportés en cachette, il avait lu quelques drames de Victor Hugo et la passion du théâtre était dans tout son feu. Dès 10 ans, Gustave composa des tragédies. Ses pièces, dont il était à peine capable d'écrire les rôles, étaient jouées par lui et ses camarades. Une grande salle de billard attenant au salon leur fut abandonnée. Le billard, poussé au fond, servit de scène. On y montait par un escabeau de jardin. Caroline avait la surveillance des décors et des costumes. La garde-robe de la maman était dévalisée, les vieux châles faisant d'admirables péplums. Il écrivait à un de ses principaux acteurs, à Ernest Chevalier, « Victoire, victoire, victoire, victoire, victoire! Tu viendras m'aider Edmond, Madame Chevalier, maman, deux domestiques, et peut-être des élèves viendront nous voir jouer. Nous donnerons 4 pièces que tu ne connais pas, mais tu les auras bientôt apprises. Les billets de 1re, 2re et 3re sont faits. Il y aura des fauteuils. Il y a aussi des toits, des décorations. La toile est arrangée. Peut-être il y aura 10 à 12 personnes. Alors il faut du courage et ne pas avoir peur, etc. » Alfred Le Poitevin, de quelques années plus âgé que Gustave, et sa sœur Laure faisaient aussi partie de ces représentations. La famille Le Poitevin était liée avec les Flaubert par les deux mères qui s'étaient connues en pension dès l'âge de 9 ans. Alfred Le Poitevin eut sur la jeunesse de mon oncle une influence très grande en contribuant à son développement littéraire. Il était doué d'un esprit brillant, plein de verve et d'excentricité. La mort l'enleva jeune. Ce fut un grand deuil. Il est parlé de lui dans la préface des dernières chansons. Quelques mots sur mes grands-parents et sur leur développement moral et intellectuel de mon oncle. Mon grand-père, dont les traits ont été esquissés dans Madame Bovary, sous ceux du docteur Larivière, appelé en consultation au lit d'Emma mourante, était fils d'un vétérinaire de Nogent-sur-Seine. La situation de la famille était très modeste. Néanmoins, en se gênant beaucoup, on l'envoya à Paris étudier la médecine. Il remporta le premier prix au grand concours et fut par ce succès reçu docteur sans qu'il en coûtât rien aux siens. À peine venait-il de passer ses examens qu'il fut envoyé par Dupuytren, dont il était l'interne, à Rouen, près du docteur Lhomonnier, alors chirurgien de l'hôpital. Ce séjour ne devait être que momentané, le temps de remettre sa santé affaiblie par trop de travail et les privations d'une vie pauvre. Au lieu d'y rester quelques mois, le jeune médecin y resta toute sa vie. Les appels fréquents de ses nombreux amis, l'espérance d'arriver à Paris à une haute situation médicale, espérance justifiée par ses débuts, rien ne le décida à quitter son hôpital et une population à laquelle il s'était attaché profondément. Mais au début, ce fut l'amour qui causa ce séjour prolongé. Amour pour une jeune fille entrevue un matin, une enfant de 13 ans, la filleule de Madame Lhomonnier, une orpheline en pension qui chaque semaine sortait chez sa marraine. Anne-Justine Caroline Fleuriot était née en 1794 à Pont-l'Évêque dans le Calvados. Par sa mère, elle était alliée aux plus vieilles familles de la Basse-Normandie. « On fait grand bruit, dit dans une de ses lettres Charlotte Corday, du mariage si disproportionné entre Charlotte Cambremer de Croix-Mare et Jean-Baptiste François Prosper Fleuriot, médecin sans réputation. » À 30 ans, Madame de Croix-Mare avait été réintégrée au couvent, mais les obstacles finirent par être vaincus, les murs du couvent franchis et le mariage consommé. Un an après, une fille naissait et sa mère mourait en lui donnant le jour. L'enfant, laissé dans les bras du père, devint pour lui un objet de culte et de tendresse. À 60 ans, ma grand-mère se souvenait encore avec émotion des baisers de son père. « Il me déshabillait lui-même chaque soir, disait-elle, et me mettait dans mon petit lit, voulant tout remplacer ma mère. » Ses soins paternels cessèrent bien vite. Le docteur Fleuriot, se voyant mourir, confia sa fille à deux anciennes maîtresses de Saint-Cyr qui tenaient à Honfleur un petit pensionnat. Ces dames promirent de la garder jusqu'à son mariage, mais elles ne tardèrent pas aussi à disparaître. Alors son tuteur, M. Touret, envoya la jeune fille chez Mme Lhomonnier, sœur de Jacques-Guillaume Touret, député de Rouen aux États généraux et président de cette assemblée. Elle venait d'arriver comme mon grand-père quand ils se virent. Quelques mois après, ils s'avouèrent leur amour et se promirent d'être l'un à l'autre. Le ménage Lhomonnier, semblable à beaucoup d'autres de cette époque, tolérait sous des dehors spirituels et gracieux la légèreté des mœurs. La nature éminemment sérieuse de ma grand-mère et son amour la préservèrent des dangers d'un tel milieu. Mon grand-père d'ailleurs, plus clairvoyant qu'elle ne pouvait l'être, voulut qu'elle restât en pension jusqu'au moment de l'épouser. Elle avait 18 ans et lui 27 quand ils se marièrent. Leur bourse était légère, mais leur cœur s'en effraya peu. L'apport de mon grand-père se bornait à son avenir. Ma grand-mère avait une petite ferme d'un revenu de 4000 livres. Le ménage s'établit dans la rue du Petit Salut, près la rue Grand-Pont, petite rue aux maisons étroites penchées l'une sur l'autre, et où le soleil ne peut envoyer ses rayons. Dans mon enfance, grand-mère m'y faisait souvent passer, et en regardant les fenêtres, elle me disait d'une voix grave, presque religieuse, « Vois-tu, ici se sont passées les meilleures années de ma vie. » Issu d'un champenois et d'une normande, Gustave Flaubert offre les signes caractéristiques de ces deux races dans son tempérament à la fois très expansif et enveloppée de la mélancolie vague des peuples du Nord. Son humeur était égale et gaie, avec des accès de bouffonnerie fréquents. Et pourtant, au fond de sa nature, il y avait une tristesse indéfinie, une sorte d'inquiétude. L'être physique était robuste, porté aux pleines et fortes jouissances, mais l'âme, aspirant à un idéal introuvable, souffrait sans cesse de ne le rencontrer en nulle chose. Ceci se traduisait dans les plus petits riens. Il eût voulu ne pas sentir la vie, car chercheur sans trêve de l'exquis, il était arrivé à ce que la sensation chez lui fut presque toujours une douleur. Cela tenait sans doute à la sensibilité du système nerveux que les commotions violentes d'une maladie dont il eut des accès à plusieurs reprises, surtout dans sa jeunesse, avaient affiné à un point extrême. Mais cela venait aussi de son grand amour de l'idéal. Cette maladie nerveuse jeta comme un voile sur toute sa vie. C'était une crainte qui obscurcissait les plus beaux jours. Pourtant, elle n'eut pas d'influence sur sa robuste santé et le travail incessant et vigoureux de son cerveau continua sans interruption. C'était un fanatique que Gustave Flaubert. Il avait pris l'art pour son Dieu et comme un dévot, il a connu toutes les tortures et tous les enivrements de l'amour qui se sacrifie. Après les heures passées en communion avec la forme abstraite, le mystique redevenait homme, était bon vivant, riait d'un franc rire, débordant de verve et mettant un entrain charmant à raconter une anecdote plaisante, un souvenir personnel. Un de ses plus grands plaisirs était d'amuser ceux qui l'entouraient. Pour m'égayer quand j'étais triste ou malade, que n'eût-il pas fait ? Il était facile de sentir l'honnêteté de ses origines. De son père, il avait reçu sa tendance à l'expérimentalisme, cette observation minutieuse des choses qui le faisait passer des temps infinis à se rendre compte du plus petit détail, et ce goût de toute connaissance qui le rendait un érudit aussi bien qu'un artiste. Sa mère lui transmettait l'impressionnabilité et cette tendresse presque féminine qui débordait souvent de son grand cœur et mouillait parfois ses yeux à la vue d'un enfant. Ses goûts de voyage, ils me viennent, disait-il, d'un de mes ancêtres, un marin qui prit part à la conquête du Canada. Il était très fier de compter ce brave parmi les siens. Cela lui semblait très crâne, pas bourgeois, car il avait la haine du bourgeois et employait constamment ce terme. Mais dans sa bouche, il était synonyme d'être médiocre, envieux, ne vivant que d'apparence, de vertu et insultant toute grandeur et toute beauté. À la mort de M. l'aumônier, mon grand-père lui succéda comme chirurgien en chef de l'Hôtel Dieu. C'est dans cette vaste demeure que Gustave Flaubert est né. L'Hôtel Dieu de Rouen, construction du siècle dernier, ne manque pas d'un certain caractère. Les lignes droites de son architecture ont quelque chose de sage et de recueilli. Situé à l'extrémité de la rue de Crône, quand on vient de l'intérieur de la ville, on voit se dresser en face de soi la large grille cintrée toute noire derrière laquelle s'étend une cour plantée de tilleuls alignés. Au fond et sur les côtés, les bâtiments. La partie occupée jadis par mes grands-parents forme une aile. On y accède par une entrée indépendante de l'hospice. À gauche de la grille centrale, une porte haute s'ouvre sur une cour où l'herbe pousse entre les vieux pavés. De l'autre côté du pavillon, un jardin formant angle sur la rue, encaissé à gauche par un mur couvert de lierre et cerné à droite par les constructions de l'hôpital. Ce sont de hautes murailles grises, trouées de petites vitres derrière lesquelles viennent se coller des figures maigres, la tête ceinte d'un linge blanc. Ces silhouettes hâves, aux yeux creux, dénotant la souffrance, ont quelque chose de profondément triste. La chambre de Gustave était située du côté de la cour d'entrée, au deuxième étage. La vue s'étendait sur les jardins de l'hôpital, dominant le faîte des arbres. Sous leur verdure, les malades, les jours de soleil, viennent s'asseoir sur les bancs de pierre. De temps en temps, l'aile blanche du grand bonnet d'une sœur traversent rapidement la cour. Puis ce sont quelques rares visiteurs, les parents des malades ou les amis des internes. Mais jamais rien de bruyant, rien d'inattendu. Ce milieu mélancolique et sévère n'a pas dû être sans influence sur Gustave Flaubert. Il s'en est dégagé cette compassion exquise pour toutes les souffrances humaines et aussi cette haute moralité qui ne l'a jamais quitté et que ne soupçonnaient guère ceux qu'il scandalisait par ses paradoxes. Rien ne répondait moins à ce qu'on est convenu d'appeler un artiste que mon oncle. Parmi les particularités de son caractère, un contraste m'a toujours étonné. Cet homme si préoccupé de la beauté dans le style et qui donnait à la forme une place si haute, pour ne pas dire la première, l'a été très peu de la beauté des choses qui l'entouraient. Il se servait d'objets et de meubles dont les contours lourds ou disgracieux eussent choqué les moins délicats et n'avaient nullement le goût du bibelot, si répandu à notre époque. Il aimait l'ordre avec passion, le poussait même jusqu'à la manie, et n'aurait pu travailler sans que ses livres fussent rangés d'une certaine façon. Il conservait soigneusement toutes les lettres à lui adressées. J'en ai trouvé des caisses pleines. Pensait-il qu'on en ferait autant à l'égard des siennes et que plus tard, le grand intérêt de sa correspondance, qui le révèle sous un jour si différent de ses œuvres, m'imposerait la tâche de la recueillir et de la publier. Nul ne peut le dire. Il a toujours apporté une régularité extrême au travail de chaque jour. Il s'y attelait comme un bœuf à la charrue, sans se soucier de l'inspiration dont l'attente stérilise, disait-il. Son énergie de vouloir, pour tout ce qui regardait son art, était prodigieuse et sa patience ne se lassait jamais. Quelques années avant sa mort, il s'amusait à dire « Je suis le dernier des pères de l'Église ». Et de fait, avec sa longue houppe lande marron et sur le sommet de son crâne, une petite calotte de soie noire, il avait quelque chose d'insolitaire de Port-Royal. Je le vois encore parcourant la terrasse de Croisset, absorbé dans sa pensée. Il s'arrêtait tout à coup, croisait ses bras, se renversait en levant la tête et restait quelques instants les yeux fixés dans l'espace au-dessus de lui, puis reprenait tranquillement sa marche. La vie à l'Hôtel-Dieu était régulière, large et bonne. Mon grand-père, arrivé à une haute situation médicale, donnait à ses enfants tout ce que l'aisance et la tendresse peuvent apporter de bonheur à la jeunesse. Il avait acheté à Desvilles, près de Rouen, une maison de campagne dont il se défit un an avant sa mort, le chemin de fer coupant le jardin à quelques mètres de l'habitation. C'est alors qu'il acheta Croisset sur les bords de la Seine. Tous les deux ans, la famille entière se rendait à Nogent-sur-Seine chez les parents Flaubert. C'était un vrai voyage qu'on faisait en chaise de poste, à petite journée, comme au bon vieux temps. Cela avait laissé d'amusants souvenirs à mon oncle, mais ceux qui le charmaient tout particulièrement se rapportent aux vacances passées à Trouville, qui alors n'était qu'un simple village de pêcheurs. Il y eut la rencontre d'une famille anglaise, la famille de l'amiral Collier, dont tous les membres étaient beaux et intelligents. Les filles aînées, Gertrude et Henriette, devinrent promptement les intimes de mon oncle et de ma mère. Gertrude, depuis Madame Tenant, m'écrivait dernièrement quelques pages sur sa jeunesse. Je traduis les lignes suivantes. Gustave Flaubert était alors semblable à un jeune grec. En pleine adolescence, il était grand et mince, souple et gracieux comme un athlète. Inconscient des dons qu'il possédait physiquement et moralement, peu soucieux de l'impression qu'il produisait et entièrement indifférent aux formes reçues. Sa mise consistait en une chemise de flanelle rouge, un pantalon de gros drap bleu, une écharpe de même couleur serrée étroitement autour des reins et un chapeau posé n'importe comment, souvent tête nue. Quand je lui parlais de célébrité ou d'influence à exercer comme des choses désirables, et que j'estimerais, il écoutait, souriait et semblait superbement indifférent. Il admirait ce qui était beau dans la nature, l'art et la littérature, et vivrait pour cela, disait-il, sans pensée personnelle. Il ne songeait nullement à la gloire ni à aucun gain. N'était-ce pas assez qu'une chose fût vraie et belle ? Sa grande joie était de trouver quelque chose qu'il jugea digne d'admiration. Le charme de sa société était dans son enthousiasme pour tout ce qui était noble, et le charme de son esprit dans une individualité intense. Il haïssait toute hypocrisie. Ce qui manquait à sa nature, c'était l'intérêt aux choses extérieures, aux choses utiles. S'il arrivait à quelqu'un de dire que la religion, la politique, les affaires avaient un intérêt aussi grand que la littérature et l'art, il ouvrait les yeux avec étonnement et pitié. Être un lettré, un artiste, cela seul valait la peine de vivre. C'est à Trouville aussi qu'il connut l'éditeur de musique Maurice Schlesinger et sa femme. Plusieurs figures originales étaient restées gravées dans sa mémoire de ses séjours au bord de la mer, entre autres celle d'un vieux marin, le capitaine Barbet, et de sa fille, la Barbette, petite bossue criant toujours contre ses marmots. Celle encore du docteur Billard, du père Couillère, maire de la commune, et chez lequel on faisait des repas qui duraient 6 heures. En écrivant « Un cœur simple », il s'est rappelé ces années-là. Madame Aubin, ses 2 enfants, la maison où elle demeure, tous les détails si vrais, si sentis de cette simple histoire, sont d'une exactitude frappante. Madame Aubin était une tante de ma grand-mère. Félicité et son perroquet ont vécu. Dans les dernières années, mon oncle avait un charme extrême à revivre sa jeunesse. Il a écrit Un cœur simple après la mort de sa mère. Peindre la ville où elle était née, le foyer où elle avait joué, ses cousins, compagnons de son enfance, c'était la retrouver. Et cette douceur a contribué à faire sortir de sa plume ses plus touchantes pages, celles, peut-être, où il a laissé le plus deviner l'homme sous l'écrivain. Qu'on se rappelle seulement cette scène entre Madame Aubin et sa servante quand elles rangent ensemble les menus objets ayant appartenu à Virginie. Un grand chapeau de paille noire que portait ma grand-mère éveillait en mon oncle une émotion semblable. Il prenait au clou la relique, la considérait en silence, ses yeux s'humectaient et respectueusement, il la replaçait. Enfin, l'heureuse époque de quitter le collège arriva, mais la terrible question de choisir une profession, d'embrasser une carrière, empoisonna sa joie. De vocation, il n'en avait que pour la littérature. Or, la littérature n'est pas une carrière. Elle ne mène à aucune position. Mon grand-père aurait voulu que son fils fût un savant et un praticien. Se vouer à la recherche unique et exclusive du beau, de la forme, lui semblait presque une folie. Homme d'un caractère éminemment fort, d'habitude très active, il comprenait difficilement le côté nerveux et un peu féminin qui caractérise toutes les organisations artistiques. Près de sa mère, mon oncle eut trouvé plus d'encouragement, mais elle tenait à ce qu'on obéît au père, et il fut résolu que Gustave ferait son droit à Paris. Il partit, triste de quitter les siens, sa sœur surtout. À Paris, il habitait rue de l'Est, un petit appartement de garçon, où il se trouvait mal installé. Les plaisirs bruyants et faciles de ses camarades lui semblaient bêtes. Il n'y participait guère. Alors il restait seul, s'enfermait, ouvrait un livre de droit qu'il rejetait aussitôt, s'étendait sur son lit, fumait et rêvait beaucoup. Il s'ennuyait démesurément et devenait sombre. Seul l'atelier de Pradier le réchauffait un peu. Il y voyait tous les artistes de l'époque, et à leur contact, il sentit grandir ses instincts. Un jour, il y rencontre Victor Hugo. Des femmes y viennent, et c'est là qu'il voit pour la première fois Madame Louise Collet. Il fréquentait aussi souvent les jolies Anglaises de Trouville, le salon de l'éditeur Maurice Schlesinger, et la maison hospitalière de l'ami de son père, le docteur Jules Cloquet, qui, un été, l'entraîna dans les Pyrénées et en Corse. L'éducation sentimentale a été composée avec des souvenirs de cette époque. Mais malgré l'amitié, malgré l'amour, sans doute, l'ennui, un ennui sans borne, l'envahissait. Ce travail, contraire à ses goûts, lui devenait intolérable. Sa santé s'en altéra sérieusement. Il revint à Rouen. Le mariage de ma mère l'année suivante, sa mort, et peu de temps après celle de mon grand-père, laissèrent ma grand-mère dans un tel chagrin qu'elle fut heureuse de conserver son fils près d'elle. Paris et l'école de droit furent abandonnés. C'est alors qu'il fit, accompagné de Maxime Ducamp, le voyage en Bretagne, qu'ils ont écrit ensemble sous le titre « Par les champs et par les grèves ». De retour, il se mit à Saint-Antoine, sa première grande œuvre. Elle avait été précédée de bien d'autres, dont quelques fragments ont été publiés depuis sa mort. Le Saint-Antoine, composé alors, n'est pas celui connu du public. Cette œuvre fut reprise à trois époques différentes avant d'être terminée définitivement. En 1849, Gustave Flaubert fit un second voyage avec Maxime Ducamp. Cette fois, c'était vers l'Orient. Cette fois, c'était vers l'Orient que se dirigeaient les deux amis. L'Orient depuis si longtemps rêvé. Mes réminiscences personnelles datent de son retour. Il revint le soir. J'étais couchée, on m'éveilla. Il me prit dans mon petit lit, m'enleva brusquement et me trouva drôle avec ma longue robe de nuit. Je me rappelle qu'elle flottait plus bas que mes pieds. Il se mit à rire très fort, puis m'imprima sur les joues de gros baisers qui me firent crier. Je sentis le froid de sa moustache humide, rosée, et je fus très satisfaite quand on me recoucha. J'avais alors 5 ans, nous étions chez les parents de Nogent. 3 mois plus tard, en Angleterre, je le revois encore distinctement. C'était le moment de la première exposition de Londres. On m'y conduisit. La foule me faisant peur, mon oncle m'assit sur son épaule. Je traversai les galeries dominant tout le monde et fus cette fois bien heureuse d'être dans ses bras. On me choisit une gouvernante, nous revînmes à Croisset. Mon oncle voulut de suite commencer mon éducation. La gouvernante ne devait m'enseigner que l'anglais. Ma grand-mère m'avait appris à lire, à écrire. Lui se réservait l'histoire et la géographie. Il trouvait inutile d'étudier la grammaire, prétendant que l'orthographe s'apprenait en lisant et qu'il était mauvais de charger d'abstraction la mémoire d'un enfant, qu'on commençait par où l'on devait finir. Puis des années toutes semblables commencèrent. Croisset, où nous habitions, est le premier village sur les bords de la Seine en allant de Rouen au Havre. La maison, de forme longue et basse, toute blanche, pouvait avoir environ 200 ans de date. Elle avait appartenu et servi de maison de campagne aux moines de l'abbaye de Saint-Ouen, et mon oncle se plaisait à penser que l'abbé Prévost y avait composé Manon Lescaut. Dans la cour intérieure où existaient encore les toits pointus et les fenêtres à guillotine du XVIIe siècle, la construction était intéressante, mais la façade laide. Elle avait subi au commencement du siècle une de ces réparations de mauvais goût, comme en ont tant produit le Premier Empire et le règne de Louis-Philippe. Sur le dessus des portes d'entrée, il y avait en manière de bas-relief de vilains moulages d'après les saisons de Bouchardon, et le chambranle de la cheminée du salon représentait à ses deux angles deux momies en marbre blanc, souvenir de la campagne d'Égypte. Les pièces étaient peu nombreuses, mais assez vastes. La grande salle à manger qui occupait au rez-de-chaussée le centre de la maison s'ouvrait sur le jardin par une porte vitrée, flanquée de 2 fenêtres en pleine vue de la rivière. Elle était agréable et gaie. Au premier, à droite, un long corridor desservant les chambres, à gauche le cabinet de travail de mon oncle. C'était une large pièce, trop basse de plafond, mais très éclairée, au moyen de ses 5 fenêtres, dont 3 donnaient sur la partie du jardin, s'étendant en longueur et deux sur le devant de la maison. On avait une jolie vue sur les gazons, les plates-bandes de fleurs et les arbres de la longue terrasse. La Seine apparaissait encadrée dans les feuillages d'un tulipier splendide. Les habitudes de la maison étaient subordonnées au goût de mon oncle, grand-mère n'ayant pour ainsi dire pas de vie personnelle. Elle vivait ce qui faisait le bonheur des siens. Sa tendresse alarmait aux plus petits symptômes de souffrance qu'elle croyait découvrir en son fils et cherchait à l'envelopper d'une atmosphère toute calme. Le matin, défense de faire le moindre bruit. Vers 10 heures, un violent coup de sonnette retentissait. On entrait dans la chambre de mon oncle et seulement alors chacun semblait s'éveiller. Le domestique apportait les lettres et les journaux, déposait sur la table de nuit un grand verre d'eau très fraîche et une pipe toute bourrée. Il ouvrait ensuite les fenêtres, la lumière entrait à flot. Mon oncle saisissait les lettres, parcourait les adresses, mais rarement décachetait une avant d'avoir tiré quelques bouffées de sa pipe. Puis, tout en lisant, il tapait à la cloison voisine pour appeler sa mère, qui accourait aussitôt s'asseoir près de son lit jusqu'à ce qu'il se levât. Il faisait lentement sa toilette, s'interrompant parfois pour aller relire à sa table un passage qui le préoccupait. Bien que fort peu compliqué, sa mise ne manquait pas de soin et sa propreté touchait au raffinement. À 11 heures, il descendait au déjeuner où ma grand-mère, l'oncle parrain, l'institutrice et moi, nous étions déjà réunis. Nous aimions tous infiniment l'oncle parrain. Il avait épousé la sœur de mon grand-père et passait une grande partie de l'année avec nous. À cette époque, mon oncle mangeait peu, surtout le matin, trouvant qu'une nourriture abondante alourdit et dispose mal au travail. Presque jamais de viande, des œufs, des légumes, un morceau de fromage ou un fruit et une tasse de chocolat froid. Au dessert, il allumait sa pipe, une petite pipe en terre, se levait et allait au jardin, où nous le suivions. Sa promenade favorite était la terrasse adossée à la roche et bordée d'un côté par de vieux tilleuls taillés droits comme une gigantesque muraille. Elle menait à un petit pavillon de style Louis XV dont les fenêtres donnaient sur la Seine. Bien souvent, par les soirs d'été, nous nous asseyions tous sur le balcon aux gracieux ciselures et nous restions des heures calmes, l'écoutant causer. La nuit venait petit à petit. Les derniers passants avaient disparu. Sur le chemin de Halage, en face, la silhouette d'un cheval traînant un bateau qui glissait sans bruit se distinguait à peine. La lune commençait à briller et ses 1000 paillettes, comme une fine poussière de diamant, scintillaient à nos pieds. Une vapeur légère envahissait la rivière. 2 ou 3 barques se détachaient du rivage. C'étaient les pêcheurs d'anguilles qui se mettaient en route et jetaient leurs nasses. Ma grand-mère, très délicate, toussait. Mon oncle disait « Il est temps de retourner à la Bovary ». La Bovary ? Qu'était-ce ? Je ne savais pas. Je respectais ce nom, ces 2 mots, comme tout ce qui venait de mon oncle. Je croyais vaguement que c'était synonyme de « travailler ». Et travailler, c'était écrire, bien entendu. En effet, c'est pendant ces années de 1852 à 1856 qu'il composa cette œuvre. Nous allions rarement au pavillon après le déjeuner. Fuyant le soleil du midi, nous montions à un endroit surnommé le Mercure, à cause d'une statue de ce dieu qui jadis l'ornait. C'était une seconde avenue située au-dessus de la terrasse et à laquelle conduisait un sentier charmant très ombragé. De vieux ifs aux formes bizarres sortaient du rocher, montrant à nu leurs racines et leurs troncs déchiquetés. Ils semblaient suspendus, ne tenant que par deux mains se radicelles aux parois éboulées de la côte. Tout en haut de l'allée, à une sorte de rond-point, un banc circulaire se cachait sous des marronniers. À travers leurs branches, on apercevait les eaux tranquilles et au-dessus de soi de larges plaques de ciel. De temps à autre, un nuage rapidement évanoui. C'était la fumée d'un bateau à vapeur. Aussitôt apparaissaient entre les troncs élancés des arbres les mâts pointus des navires qui se faisaient remorquer jusqu'à Rouen. Leur nombre allait jusqu'à 7 et 9. Rien de majestueux et de beau comme ces convois de maisons flottantes qui vous parlaient de pays au loin. Vers 1 heure, on entendait un sifflet aigu. C'était la vapeur, comme disent les gens du pays. 3 fois par jour, ce bateau faisait le trajet de Rouen à La Bouille. Le signal du départ était donné. « Allons, disait mon oncle, viens à la leçon, mon carreau. » Et m'entraînant, nous rentrions tous les deux dans le large cabinet où les persiennes soyeusement closes n'avaient pas laissé pénétrer la chaleur. Il y faisait bon, on respirait une odeur de chapelets orientaux mêlée à celle du tabac et à un reste de parfum venant par la porte laissée entr'ouverte du cabinet de toilette. D'un bond, je m'élançais sur une grande peau d'ours blanc que j'adorais. Je couvrais sa grosse tête de baisers. Mon oncle, pendant ce temps, remettait sa pipe sur la cheminée, en choisissait une autre, la bourrait, l'allumait, puis s'asseyait sur un fauteuil de cuir vert à l'autre bout de la pièce. Il croisait une de ses jambes sur l'autre, se renversait en arrière, prenait une ligne et se polissait les ongles. « Voyons, y es-tu ? Eh bien, que te rappelles-tu d'hier ? Oh, je sais très bien l'histoire de Pélopidas et d'Épaminondas. Raconte alors. » Je commençais, puis naturellement je m'embrouillais, ou j'avais oublié. « Je vais te la redire. » Je m'étais approchée et fêtais, assise en face de lui, sur une chaise longue ou sur le divan. J'écoutais avec un intérêt palpitant les récits qu'il rendait pour moi si amusants. Il m'a ainsi appris toute l'histoire ancienne, rapprochant les faits les uns des autres, faisant des réflexions à ma portée, mais restant toujours dans l'observation vraie, profonde. Des esprits mûrs auraient pu l'entendre sans trouver rien de puéril à son enseignement. Je l'arrêtais quelquefois en lui demandant « Était-il bon ?» Et cette question s'appliquant à des hommes tels que Cambyse, Alexandre ou Alcibiade, il était embarrassé pour y répondre. « Bon ? Dame, ce n'étaient pas des messieurs très commodes. Qu'est-ce que cela te fait ?» Mais je n'étais pas satisfaite et je trouvais que mon vieux, comme je l'appelais, aurait dû savoir jusqu'au plus petit détail de la vie des gens dont il me parlait. La leçon d'histoire terminée, on passait à la géographie. Jamais il n'a voulu que je l'apprisse dans un livre. Des images le plus possible, disait-il. C'est le moyen d'apprendre à l'enfance. Nous avions donc des cartes, des sphères, des jeux de patience que nous faisions et défaisions ensemble. Puis, pour bien expliquer la différence entre une île, une presqu'île, une baie, un golfe, un promontoire, il prenait une pelle, un seau d'eau, et dans une allée du jardin, on faisait des modèles en nature. À mesure que je grandissais, les leçons devinrent plus longues, plus sérieuses. Il me les a continuées jusqu'à ma 17e année, jusqu'à mon mariage. Quand j'eus 10 ans, il m'obligea à prendre des notes pendant qu'il parlait, et lorsque mon esprit fut capable de le comprendre, il commença à me faire remarquer le côté art en toutes choses, surtout dans mes lectures. Il jugeait qu'aucun livre n'est dangereux s'il est bien écrit. Cette opinion venait chez lui de l'union intime qu'il faisait du fond et de la forme. Quelque chose de bien écrit ne pouvait pas être mal pensé, conçu bassement. Ce n'est pas le détail cru, le fait brut, qui est pernicieux, nuisible, qui peut souiller l'intelligence. Tout est dans la nature. Rien n'est moral ou immoral, mais l'âme de celui qui représente la nature la rend grande, belle, sereine, petite, ignoble ou tourmentante. Des livres obscènes bien écrits, il ne pouvait en exister, selon lui. Très large, certainement, dans les lectures qu'il me recommandait, il était cependant fort sévère à ne rien me donner où l'amusement seul eût été mon guide, et ne me permettait jamais de laisser un ouvrage inachevé. « Continue à lire l'histoire de la conquête, » m'écrivait-il. « Ne t'habitue pas à commencer des lectures et à les planter là pour quelque temps. Quand on a pris un livre, il faut l'avaler d'un seul coup. C'est le seul moyen de voir l'ensemble et d'en tirer du profit. Accoutume-toi à poursuivre une idée. Puisque tu es mon élève, je ne veux pas que tu aies ce décousu dans les pensées, ce peu d'esprit de suite qui est l'apanage des personnes de ton sexe. » Il tenait à cette discipline intellectuelle, la jugeant fort utile. Son éducation cherchait à l'imprimer le plus possible à mon esprit. Lui, si débonnaire, était sur quelques points très rigoureux. Ainsi, il voulait que l'honnêteté d'une femme ne consistât pas seulement dans la pureté de ses mœurs, mais qu'elle y joigne les qualités qu'on exige d'un honnête homme. Ma leçon finie, mon oncle s'asseyait à sa table dans le haut fauteuil à dossier de chêne, ne se donnant de repos que pour aller de temps en temps respirer à sa fenêtre une large bouffée d'air. Il y restait jusqu'à 7 heures. On dînait alors, et la causerie intime reprenait comme après le déjeuner. À 9h10, au plus tard, il se remettait avec empressement au travail qu'il prolongeait bien avant dans la nuit. Il n'était jamais plus en train qu'en ces heures solitaires où aucun bruit ne venait le troubler. Il restait ainsi plusieurs mois de suite, ne voyant personne que Louis Bouillet, son ami intime, qui chaque dimanche venait jusqu'au lundi matin. Une partie de la nuit se passait à lire le travail de la semaine. Quelles bonnes heures d'expansion! C'étaient de grands cris, des exclamations sans fin, des controverses pour le rejet ou le maintien d'une épithète, des enthousiasmes réciproques. 3 ou 4 fois par an, il allait à Paris passer quelques jours et descendait à l'hôtel du Helder. Toutes ses distractions se bornaient à ses courtes absences. Cependant, en 1856, se décidant à publier Madame Bovary, Gustave Flaubert vint habiter 42 boulevard du Temple, dans une maison appartenant à M. Mourier, directeur du théâtre des délassements comiques. Bouillet, cette année-là, devait faire représenter sa première pièce, Madame de Montarcy, à l'Odéon. Il avait déjà précédé son ami, quitté Rouen, et sa profession de répétiteur pour se livrer uniquement aux lettres. Ma grand-mère ne tarda pas à les rejoindre. Elle venait quelques mois d'hiver dans un appartement meublé et s'installa définitivement 2 ans plus tard dans la même maison que son fils, l'étage au-dessous. Bien qu'habitant si près, nous étions fort indépendants. Mon oncle avait emmené à son service comme valet de chambre un nommé Narcisse, le plus bizarre individu possible. Ce garçon avait été domestique chez mon grand-père. Sa drôlerie et son zèle décidèrent mon oncle à l'appeler près de lui. Narcisse, établi cultivateur, marié et père de 6 enfants, avait quitté avec le plus grand empressement femme et famille pour suivre le fils de son ancien maître, pour lequel il avait un respect mêlé de fanatisme, mais joint à cela le plus grand oubli des distances. Un jour, il était rentré complètement ivre. Mon oncle l'aperçut assis, ou plutôt tombé sur une chaise dans sa cuisine. Il l'aida à gagner sa chambre et à s'étendre sur son lit. Narcisse, alors, d'un air suppliant. « Ah, monsieur, mettez le comble à vos bontés, retirez-moi mes bottes !» Et ce fut fait par le maître si indulgent. Les amis s'amusaient des réflexions de ce garçon et de ses réparties. Certains lui envoyaient leurs livres. On le trouvait assis dans le cabinet de travail ou devant la bibliothèque, un plumeau sous le bras, un livre dans la main. Il lisait à voix haute, imitant son maître. Mais ce lyrisme artistique, joint à l'abus des petits vers, détraqua complètement la cervelle du pauvre diable. Il fut obligé de retourner au champ. Pendant ces mois d'hiver, je regrettais les jours d'été, car le grand succès de Madame Bovary, suivi d'un procès retentissant, avait de suite donné à mon oncle une célébrité qui le faisait rechercher. Il sortait beaucoup, je le voyais moins. L'appartement du boulevard du Temple se fleurissait à certains jours. C'était un plaisir d'y donner des petits repas intimes. Je me souviens de ceux auxquels je prenais part et qui réunissaient autour de la table Sainte-Beuve, Monsieur et Madame Sandeau, Monsieur et Madame Cornu, ces derniers amenés par Jules Duplan, le si fidèle ami de Gustave Flaubert. Charles Dosmoy, Théophile Gautier venaient aussi très souvent et le dimanche, la porte s'ouvrait plus grande et les amis étaient nombreux. Cette époque fut pour mon oncle le début de plusieurs relations qu'il conserva jusqu'à sa mort. Il fréquentait assidûment le salon de la princesse Mathilde. Il y trouvait réunis des savants, des artistes, quelques amis intimes, et goûtait fort ce milieu intellectuel et mondain. Il alla aussi aux Tuileries et fut invité à Compiègne. De son séjour au château, lui vint la pensée d'un grand roman qui devait mettre en présence la civilisation française et la turque. Puis il y avait aussi les dîners chez Magny, qui au début ne comptait qu'une dizaine de personnes. Sainte-Beuve, Théophile Gautier, les deux Goncourt, Gavarni, Renan, Taine, le marquis de Chenevière, Bouillet et mon oncle. Les conversations y étaient débordantes et d'un haut intérêt. Enfin, le mois de mai arrivait et nous rendait à la bonne vie tranquille de Croisset. S'étant mis en 1860 à écrire Salammbô, mon oncle s'aperçut bientôt qu'un voyage sur l'emplacement de ce qui fut Carthage lui était nécessaire et il partit pour la Tunisie. À son retour, il accompagna sa mère à Vichy. Nous y allâmes 2 années de suite. La santé de ma grand-mère ne lui permettant pas de sortir avec moi, mon oncle la remplaçait. Il m'accompagnait dans mes promenades et le dimanche me menait même à l'église. Malgré l'indépendance de ses croyances, ou plutôt à cause de cette indépendance. Nous allions souvent, quand il faisait beau, nous asseoir sous de petits peupliers à feuilles blanches le long de l'Allier. Il lisait pendant que je dessinais et interrompant sa lecture, il me parlait de ce qu'elle lui suggérait ou se mettait à réciter des vers. Il savait aussi par cœur des pages entières de prose. Celles qu'il citait le plus souvent étaient de Montesquieu et de Chateaubriand. Cette mémoire se réveillait également par rapport aux dates ou aux faits historiques. Mais s'agissait-il d'un souvenir littéraire, alors il était vraiment surprenant. Dans un volume lu 20 ans auparavant, il se rappelait la page et l'endroit de la page qu'il avait frappé, et à l'endroit, à sa bibliothèque, il ouvrait le livre et vous disait « Voilà !» avec une certaine satisfaction qui brillait dans ses yeux clairs. À Vichy, il retrouva d'anciennes connaissances, le docteur Villemin rencontré en Égypte et Lambert Bay, un des adeptes du père enfantin. Mais mon mariage vint en 1864 changer toute notre vie. J'habitais une grande partie de l'année Neuville près Dieppe. Je n'allais plus à Croisset que 2 fois par an, au printemps et à l'automne. Mon oncle ne faisait que de courts séjours chez moi. Tout déplacement le dérangeait extraordinairement et troublait son travail. Il lui fallait pour écrire une tension extrême et il lui était impossible de se trouver dans l'état voulu ailleurs que dans son cabinet de travail, assis à sa grande table ronde, sûr que rien ne viendrait le distraire. Cet amour de la tranquillité, qui l'a poussé plus tard à l'excès, commençait déjà à exercer une tyrannie sur ses moindres actions. Au bout de quelques jours, je le voyais nerveux et je sentais qu'il avait envie de s'en retourner à la besogne aimée. Pendant 10 ans, nos vies furent donc moins mêlées, sauf au mois d'avril de 1871. Quand je rentrais d'Angleterre, où j'avais passé quelques mois, je le trouvais très changé. La guerre avait fait sur lui une impression profonde. Son sang de vieux latin se révoltait à ce retour de barbarie. Obligé de fuir sa maison, car il n'eût voulu pour rien au monde être dans la nécessité de parler à un Prussien, il s'était réfugié à Rouen dans un petit logement sur le quai du Havre, où il était fort mal installé. Cela ressemblait à du dénuement. Ma grand-mère, très âgée, ne s'occupant plus de l'organisation du ménage, au lieu de transporter les meubles et objets nécessaires de la campagne à la ville, ce qui eût été facile, avait tout laissé à Croisset, où une dizaine d'hommes, officiers et soldats, s'étaient établis. Le désœuvrement fatal qu'une vie d'inquiétude entraîne, la pensée que son cabinet, ses livres, sa demeure étaient souillés par la présence de l'ennemi, mettait le cœur et l'esprit de mon oncle dans un trouble et un chagrin affreux. Les arts lui parurent morts. Comment ? Était-ce possible ? C'était d'un pays lettré que montaient ces flots de sang. C'était des savants qui tenaient Paris assiégé, qui lançaient des projectiles sur les monuments. Il croyait, en rentrant dans son habitation, n'y rien retrouver. Il se trompait. Sauf quelques menus objets sans valeur, tels que cartes, canifs, coupe-papier, on respecta absolument tout ce qui lui appartenait. Une seule chose était suffocante au retour, l'odeur du Prussien, comme les Français l'appelaient, une odeur de bottes graissées. Les murs en étaient imprégnés par ce séjour de 3 longs mois, et il fallut repeindre et tapisser les pièces pour s'en débarrasser. 6 mois se passèrent sans que mon oncle pût écrire, enfin ce fut chez moi, à Neuville, que cédant à mes supplications, il reprit et cette fois termina la tentation de Saint-Antoine. Il y avait dans la nature de Gustave Flaubert une sorte d'impossibilité au bonheur, et cela par un besoin continuel de retourner sans cesse en arrière, de comparer, d'analyser. À l'âge même des jouissances les plus absolues, il les dissèque tellement qu'il n'en voit que le cadavre. Quand il écrit en descendant le Nil les pages intitulées « Au bord de la Cange », il regrette sa maison des bords de la Seine. Les paysages qu'il a sous les yeux ne semblent pas le captiver. C'est plus tard qu'il se les rappellera. Par exemple, l'homme, son ineptie, ses conversations l'intéressent avidement. « La bêtise, disait-il, entre dans mes pores. » Et quand on lui reprochait de ne pas sortir davantage, de ne pas se délasser dans la campagne, « Mais la nature me mange !» s'écriait-il indigné. « Si je reste étendu longtemps sur l'herbe, je crois sentir pousser des plantes sur mon corps. » Et il ajoutait, « Vous ne savez pas le mal que tout dérangement me procure. » Sur lui-même, il a, dans les événements les plus douloureux de sa vie, écrit ses sensations, cherchant, scrutant dans le fond de sa nature les recoins les plus voilés, les plus intimes. Un fait dans un journal, une historiette drôle sur des gens qu'il connaissait, des âneries dites par des plumes autorisées, la manifestation de leur amour-propre ou de leur cupidité, étaient autant de sujets d'expérience qu'il consignait et glissait dans des cartons. Il ne comprenait pas que l'art amena la préoccupation du lucre, l'argent ne pouvant payer selon lui l'effort de l'artiste, et entre les 500 francs que l'éditeur Michel Lévy lui remit pour l'exploitation pendant 5 ans de Madame Bovary et les 10 000 francs qu'il recevait quelques années plus tard pour Salammbô, il ne voyait guère de différence. Dans ses carnets de voyage à 17 ans aux Pyrénées, il relève au lac de Gaube et à l'auberge près de Gavarnie les réflexions les plus ineptes écrites par des voyageurs. C'est déjà le commencement du dictionnaire des idées reçues de Bouvard et Pécuchet. Cette compréhension si forte du comique était l'utile opposition de son amour de l'idéal, comme son goût pour les farces corrigeait sa mélancolie native. En 1875, des pertes d'argent considérables changèrent notre position. Mon mari vit tout son avoir disparaître dans des opérations commerciales. Marié sous le régime dotal, si commun en Normandie, je ne pouvais disposer que d'une partie de mes biens en sa faveur. Mon oncle me remplaça et, après une générosité toute spontanée, donna tout ce qu'il possédait pour sauver notre situation. Il ne lui resta plus pour vivre que la rente que nous nous engagions à lui faire et le produit très médiocre de ses œuvres. Vendre Croisset se présenta tout d'abord à notre esprit. Cette propriété m'avait été donnée en propre par ma grand-mère, avec le désir exprimé que son fils, Gustave, continuât à y vivre. Cette considération, jointe à la répugnance qu'aurait éprouvée mon oncle à s'en séparer, nous fit prendre la résolution de la garder. L'isolement pesait à sa nature tendre. Aussi cet arrangement de vie en commun lui convenait-il. Il passerait la majeure partie de l'année à la campagne, et à Paris, ayant remis son appartement de la rue Murillo, il en prit un sur le même palier que le nôtre, au cinquième étage d'une maison située à l'angle de la rue du Faubourg Saint-Honoré et de l'avenue de la Reine Hortense. Nous voici donc ensemble comme jadis, et les causeries reprennent plus abondantes, plus profondes, plus intimes encore qu'au temps de mon enfance. Dans la vie retirée que nous menons, mon oncle s'adresse à moi comme à un ami. Nous parlons de toutes choses, mais ce sont de préférence les sujets littéraires, religieux et philosophiques que nous discutons, sans jamais, quoique d'opinions souvent différentes, qu'il en résulte entre nous rien de fâché, rien de pénible. Il est facile de voir que l'homme qui a écrit Saint Antoine s'est préoccupé surabondamment de la pensée religieuse dans l'humanité et de ses manifestations si multiples. Les vieilles théogonies l'intéressaient extrêmement et il avait un attrait infini pour les excessifs dans tous les genres. L'anachorète, le solitaire de la Thébaïde provoquaient son admiration. Il se sentait porté vers eux comme vers le Bouddha des bords du Gange. Il relisait souvent la Bible. Ce verset d'Isaïe « Qui sont beaux sur les montagnes les pieds du messager qui apporte de bonnes nouvelles » lui paraissait sublime. « Réfléchis, creuse-moi ça !» me disait-il enthousiasmé. Païen par ses côtés artistiques, il était par les besoins de son âme panthéiste. Spinoza, qu'il admirait fort, n'avait pas été sans laisser en lui son empreinte. D'ailleurs, aucune des croyances de son esprit, en dehors de la croyance au beau, n'était assez solidement enracinée pour qu'il ne fût pas capable d'écouter et d'admettre même, jusqu'à un certain point, la manière de voir adverse. Il aimait à répéter avec Montaigne, ce qui était peut-être le dernier mot de sa philosophie, qu'il fallait s'endormir sur l'oreiller du doute. Puis nous revenions à son travail de la journée. Là, il est heureux de me lire toute fraîche et close la phrase qu'il vient de terminer. J'assiste, témoin immobile, à la lente création de ces pages si durement élaborées. Le soir, la même lampe nous éclaire. Moi, assise au bord de la large table, je m'occupe à quelque ouvrage d'aiguille où je lis. Lui se débat sous l'effort du travail. Tantôt penché en avant, il écrit fiévreusement, se renverse en arrière, empoigne les deux bras de son fauteuil et pousse un gémissement. C'est par instants comme un râle. Mais tout à coup, sa voix module doucement, s'enfle, éclate. Il a trouvé l'expression cherchée. Il se répète la phrase à lui-même. Alors il se lève vivement et parcourt à grands pas son cabinet. Il scande les syllabes en marchant. Il est content. C'est un moment de triomphe après un labeur épuisant. Arrivé à une fin de chapitre, souvent il se donnait un jour de repos pour nous le lire tout à l'aise, en voir l'effet. Il lisait d'une façon unique, chantante, et dont l'emphase, qui au commencement paraissait exagérée, finissait par plaire extrêmement. Ce ne sont pas seulement ses œuvres qu'il nous lit. De temps en temps, il nous donnait de vraies séances littéraires, se passionnant aux beautés qu'il rencontrait. Son enthousiasme était communicatif, impossible de rester froid, on vibrait avec lui. Parmi les anciens, Homère et Eschyle étaient pour lui des dieux. Aristophane lui plaisait davantage que Sophocle, Plaute, Corace, dont il trouvait le mérite trop vanté. Que de fois lui ai-je entendu dire qu'il eût désiré avant tout être un grand poète comique. Shakespeare, Byron et Victor Hugo lui causaient des admirations profondes, mais il ne comprit jamais Milton. Il disait « Virgile a fait la femme amoureuse, Shakespeare la jeune fille amoureuse, toutes les autres amoureuses sont des copies plus ou moins éloignées de Didon et de Juliette. » Dans la prose française, il relisait sans cesse Rabelais et Montaigne et les conseillait à tous ceux qui voulaient se mêler d'écrire. Ses enthousiasmes littéraires avaient de tout temps existé chez lui. Un de ceux qu'il aimait à se rappeler fut celui qu'il éprouva à la lecture du Faust. Il le lut justement une veille de Pâques en sortant du collège. Au lieu de rentrer chez son père, il se trouva, il ne savait comment, dans un endroit appelé le Cours La Reine. C'est une belle promenade plantée de hauts arbres sur la rive gauche de la Seine, un peu éloignée de la ville. Il s'assit sur la berge, les cloches des églises sur la rive opposée résonnaient dans l'air et se mêlaient à la belle poésie de Goethe. Christ est ressuscité, paix et joie entière. Annoncez-vous déjà, cloche profonde, la première heure du jour de Pâques? Cantiques célestes, puissants et doux, pourquoi me cherchez-vous dans la poussière? Sa tête tournait et il rentra comme éperdu, ne sentant plus la terre. Comment cet homme, si admirateur du beau, avait-il tant de bonheur à découvrir les turpitudes humaines, là surtout régnaient les dehors de la vertu? Ne serait-ce pas de son culte pour le vrai? Cette découverte semblant la confirmation de sa philosophie et le réjouissant par amour de cette vérité qu'il croyait pénétrer. De nombreux projets de travaux préoccupaient son esprit. Il parlait surtout d'un conte sur les Thermopyles qu'il allait commencer. Il trouvait qu'il avait perdu trop de temps aux recherches préparatoires de ses œuvres et voulait employer le reste de sa vie à l'art, l'art pur. La préoccupation de la forme croissait, ce qui lui fit un jour s'écrier dans une de ses boutades chaudes et spontanées « Je me fiche bien de l'idée !» Puis se mettant aussitôt à rire aux éclats « Pas mal ça, hein ?» C'est un bon lyrisme, je commence à comprendre l'art. Un vrai artiste, pour lui, ne pouvait être méchant. Un artiste est avant tout un observateur. La première qualité pour voir est de posséder de bons yeux. S'ils sont troublés par les passions, c'est-à-dire par un intérêt personnel, les choses échappent. Un bon cœur donne tant d'esprit. Son culte du beau lui faisait dire « La morale n'est qu'une partie de l'esthétique, mais sa condition foncière. » Deux genres d'hommes lui déplaisaient particulièrement, et il était dur à leur égard. Le critique, celui qui n'a rien produit et juge tout, il lui préférait un marchand de chandelles, et le monsieur instruit qui se croit artiste, qui a des désillusions, qui sait figurer Venise autrement qu'elle n'est. Quand il rencontrait un individu de ce genre, c'était une explosion de mépris qui se traduisait soit par des réparties mordantes, il prétendait lui n'avoir aucune imagination, ne s'être jamais rien figuré, ne rien savoir, ou par un silence encore plus hautain. Jusqu'à sa mort, j'eus la douceur de continuer cette vie sérieuse et calme dans laquelle mon esprit de femme avait tant à gagner. Beaucoup des meilleurs amis de mon oncle étaient morts. Louis Bouillet, Jules Duplan, Ernest Lemarié, Théophile Gautier, Jules de Goncourt, Ernest Feydeau, Sainte-Beuve, d'autres s'étaient éloignés. Les relations avec Maxime Ducamp n'étaient plus que fort rares. Dès 1852, les deux amis commencèrent à ne plus suivre les mêmes routes, leur correspondance le témoigne. En amitié, mon oncle était parfait, d'un dévouement absolu, fidèle, sans envie, plus heureux du succès d'un ami que du sien propre, mais il apportait dans ses relations amicales des exigences que, parfois, supportaient difficilement ceux qui en étaient l'objet. Le cœur auquel il s'était lié par un amour commun de l'art, et toutes ses liaisons profondes avaient cette base, devait lui appartenir sans réserve. Lorsque, 5 ans avant de mourir, il recevait ce court billet en réponse à son envoi des 3 contes, « Cher ami, je te remercie de ton volume. Je ne t'en dis rien parce que je suis absolument abruti par la fin de mon travail. J'aurai terminé dans 8 ou 10 jours et je me récompenserai en te lisant. Tout à toi, Maxime Ducamp. » Son cœur souffrit et se replia amèrement. Où était l'ardent désir de connaître bien vite la pensée jaillie du cerveau de l'ami? Où étaient les belles années de jeunesse, la foi l'un à l'autre? Cependant, il y avait encore des natures qu'il affectionnait beaucoup. Parmi les jeunes au premier rang, le neveu d'Alfred Le Poitevin, Guy de Maupassant, son disciple, comme il aimait à l'appeler. Puis son amitié avec George Sand fut pour son esprit, et au moins autant pour son cœur, une grande douceur. Mais de sa génération proprement dite, il ne lui restait qu'Edmond de Goncourt et Ivan Turgenev. Il goûtait avec eux la pleine jouissance des conversations esthétiques. Elles étaient, hélas, de plus en plus rares les heures de causerie intime, car pour s'épancher, il fallait trouver des intelligences éprises des mêmes choses, et les séjours à Paris s'éloignaient de plus en plus. La solitude toujours grande devenait farouche quand je n'étais pas là, et souvent pour la fuir, il appelait la vieille bonne de l'enfance. Elle venait se chauffer un instant à la cheminée. Dans une lettre, il me dit « J'ai eu aujourd'hui une conversation exquise avec Mlle Julie. » En parlant du vieux temps, elle m'a rappelé une foule de choses, de portraits, d'images qui m'ont dilaté le cœur. C'était comme un coup de vent frais. Elle a eu, comme langage, une expression dont je me servirais. C'était en parlant d'une dame. Elle était bien fragile, orageuse même. Orageuse après fragile et plein de profondeur. Puis nous avons parlé de Marmontel et de la nouvelle Héloïse, chose que ne pourraient faire beaucoup de dames, ni même beaucoup de messieurs. Quand il était ainsi seul, il lui prenait parfois des amours de nature qu'il enlevait un moment à son travail. « Hier, m'écrivait-il, pour rafraîchir ma pauvre caboche, j'ai fait une promenade à Canteleu. Après avoir marché pendant 2 heures de suite, monsieur a pris une chope chez Pasquet, où on récurait tout pour le jour de l'an. Pasquet a témoigné une grande joie en me voyant, parce que je lui rappelle ce pauvre monsieur Bouillet. Et il a gémi plusieurs fois. Le temps était si beau, le soir la lune brillait si bien, qu'à 10 heures je me suis promenée dans le jardin, à la lueur de l'astre des nuits. Tu n'imagines pas comme je deviens amant de la nature. Je regarde le ciel, les arbres et la verdure avec un plaisir que je n'ai jamais eu. Je voudrais être vache pour manger de l'herbe. » Mais il se rasseyait à sa table et laissait s'écouler plusieurs mois sans être repris du même désir. Au commencement de l'année 1874, il entreprit Bouvard et Pécuchet, sujet qui le préoccupait depuis 30 ans. Ce devait être d'abord fort court, une nouvelle d'une quarantaine de pages. Voici comment l'idée lui en vint. Assis avec Bouillet sur un banc du boulevard à Rouen, en face de l'hospice des vieillards, il s'amusait à rêver ce qu'il serait un jour. Et après avoir commencé gaiement le roman de leur existence supposée, tout à coup ils s'écrièrent « Et qui sait, nous finirons peut-être comme ces vieux décrépits qui meurent dans l'asile. » Alors ils avaient imaginé l'amitié de deux commis, leur vie, une fois retirés des affaires, etc., etc., pour ensuite les amener à finir leurs jours dans la misère. Ces deux commis sont devenus Bouvard et Pécuchet. Ce roman d'une exécution si difficile découragea mon oncle à plus d'une reprise. Il fut même obligé de l'interrompre et pour se reposer, il alla rejoindre à Concarneau son ami, le naturaliste Georges Pouchet. Là-bas, sur les grèves bretonnes, il commença la légende de Saint-Julien l'Hospitalier, qui fut bientôt suivie d'Un cœur simple et d'Hérodias. Il écrivit rapidement ces 3 contes et reprit ensuite Bouvard et Pécuchet, lourde besogne sur laquelle il devait mourir. Peu d'existences témoignent d'une unité aussi complète que la sienne. Ses lettres le montrent à 9 ans préoccupé d'art comme il le sera à 50. Sa vie, comme l'ont d'ailleurs observé tous ceux qui ont parlé de lui, ne fut depuis l'éveil de son intelligence jusqu'à sa mort que le long développement d'une même passion, la littérature. Il lui sacrifia tout, ses amours, ses tendresses, ne l'enlevèrent jamais à son art. Dans les dernières années, regretta-t-il de ne pas avoir pris la route commune. Quelques paroles émues sorties de ses lèvres un jour où nous revenions ensemble le long de la Seine me le feraient croire. Nous avions visité une de mes amies que nous avions trouvée au milieu d'enfants charmants. « Ils sont dans le vrai », me dit-il, en faisant allusion à cet intérieur de famille honnête et bon. « Oui », se répétait-il à lui-même gravement. Je ne troublais point ses pensées et restais silencieuse à ses côtés. Cette promenade fut une de nos dernières. La mort le prit en pleine santé. La veille, sa lettre était toute épanouie et renfermait la joie de voir se confirmer une conjecture qu'il avait faite relativement à une plante. Il m'écrivait ces lignes intéressantes sur son travail dont il ne lui restait plus que quelques pages à terminer. J'avais raison. Je tiens mon renseignement du professeur de botanique du Jardin des Plantes. Et j'avais raison, parce que l'esthétique est le vrai et qu'à un certain degré intellectuel, quand on a de la méthode, on ne se trompe pas, la réalité ne se plie point à l'idéal, mais le confirme. Il m'a fallu pour Bouvard et Pécuchet 3 voyages en des régions diverses avant de trouver leur cadre, le milieu idoine à l'action. Ah, je triomphe! Ça, c'est un succès! Et qui me flatte! Il se disposait à partir pour Paris, où il venait me rejoindre. C'était la veille de son départ. Il sortit du bain, monta dans son cabinet. La cuisinière allait lui servir son déjeuner quand elle s'entendit appeler. Elle accourut. Déjà, ses poings crispés ne pouvaient ouvrir un flacon de sel qu'il tenait dans la main. Il articulait des paroles inintelligibles, dans lesquelles cependant elle distingua « Hello, allez chercher Avenue, je la connais !» Une lettre de moi reçue le matin lui apprenait que Victor Hugo allait s'installer Avenue Delo. C'était sans doute une réminiscence de cette nouvelle et aussi comme un appel de secours. Il songeait à son voisin et ami, le docteur Fortin. La dernière lueur de sa pensée a évoqué le grand poète qui avait tant fait vibrer sa nature. Aussitôt, il tomba sans connaissance. Quelques instants plus tard, il ne respirait plus. L'apoplexie avait été foudroyante.